Ça a commencé dans les journaux. Dès le début, c'était clair, on n'avait jamais vu ça. Parce que ça touchait des villages. Des petites villes. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des douze. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui se mouillent. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des douze. Messieurs, le diable est parmi nous. Sourire à la plupart, c'est nos armes qui disent tout. Comme à l'époque des barbares, on repart à la bataille. Chargez les frères, on fera bientôt la guerre à la racaille. J'te parle des flics, des juges, des baveux, des balances et des indiques dans les blocs qu'on bagaille. Jeunesse africaine qui tremble à bas. Africaine, une innocente, jamais il tombe ce bâtard. Le ministre avec la pute, une histoire classée, ce sera marre ou soulimée. S'il vous plaît, montez dans le car, je n'ai rien. Elle n'approchait pas ma vie, elle est destinée à Ludovic. Paul ou Jean-Marie, on est accro. Des mecs comme Jackson, Belmondo, scatophile ou pédophile. À peine la tête, il arrive. Et le rap, je sais que c'est con, mais la canée qui a raison. Les juifs ou les musulmans n'étaient pas nés. Isaac ou Ismaël, fils d'Abraham, tous les deux. Personne n'a compris, personne n'a gagné. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui se mouillent. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Sourire à la plupart, c'est nos âmes qui s'y trouvent. Y'a des mecs avec des seins, de la science avec des singes, des piercings dans la chambre. Et le diable sur des dessins, c'est une période de trouble. Tout le monde se cherche, tout le monde en parle. Un conseil, faut rester sain. La folie devient pure, la sagesse devient dure. George Bush qui fait la guerre, c'est un signe de la nature. Monde de fous, personne n'a vu la fin du film. C'est des bombes de partout, des partout. Et des cures, des églises qui explosent, des mosquées salies, des synagogues qui brûlent, des montagnes qui s'animent, des boeufs avec 5 pattes, des gosses avec 3 bras, des morts avec des droits. C'est le diable qui s'amuse. Là, c'est un escroc, il a trompé tout le monde. J'ai déjà mon con, moi c'est dans l'Afrique, au milieu du tiers-monde. Quoi, j't'ai choqué, ok, c'est fait pour. Tu sais, j'crois plus au l'amour depuis qu'il en sortait au monde. Part au coup, entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui s'y mouillent. Part au coup, entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui s'y mouillent. Des classes comme Ali McBeal, des PD comme Arthur, y'en a en tonne. T'as qu'à jeter un petit coup d'œil dans la ville. Des bonhommes comme Jean Gabin, maintenant on a plus. C'est le finesse qui a pris les rênes, c'est lui qui a le plus de style. Et la lune ça nous suffit plus, on veut plus dans les Mars. T'as des clones comme le Hello, c'est louche et en plus ça pue. Les martons sont des mi-boules, leurs trous de palais enflés. Regarde ta queue à la fouille en disant moi j't'ai déjà vu. Si c'est pas la fin du monde, c'est le monde qui avance au Mali. Agissant, la liberté ça reste une tombe. Le rap c'est l'œuvre du diable, alors il mourra pas tant que les flingues sont rangés. Et que les vrais bandits sont à Londres. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui s'y mouillent. Le monde part au coup. Entre meurtre, viol, choix, la guerre et les petits clashs des jours. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui s'y mouillent. À peine ils avaient commencé à évacuer les villes qu'il a été trop tard. La contamination était partout. La rage de l'armée était submergée. C'est après ça qu'il y a eu l'exode. La veille du jour où la télé et la radio ont arrêté d'émettre, ils signalaient des foyers d'infection à Paris et à New York. On n'a plus rien entendu après ça.